Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Boston Tea Party du 16 décembre 1773. La destruction du thé dans le port de Boston était vraiment un acte de dernier recours. Les Bostoniens sentaient qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ne voulaient pas voir le thé débarquer au port. Les responsables gouvernementaux les empêchaient de le retourner. Alors le seul endroit où le thé pouvait se retrouver, c'était par-dessus bord. And so the only place for the tea to go was into Boston Harbor. The Bostonians really didn't see themselves as Les Bostoniens ne cherchaient pas à provoquer le roi ou le parlement, ni même à provoquer la East India Company. C'était une réaction et le dernier recours d'un peuple blessé et menacé. As the last resort of a wounded and threatened people. L'historien américain Benjamin Lee Carp, dans une vidéo produite par le musée du Boston Tea Party en 2013, peu importe les motivations que l'on prête à la population de Boston pour expliquer ce qui s'est passé le 16 décembre 1773, une chose est certaine, cet événement, qu'on va baptiser plus tard le Boston Tea Party, reste l'un des gestes fondateurs qui va conduire les 13 colonies britanniques de la côte est américaine à leur indépendance quelques années plus tard. Le Boston Tea Party est en ce sens profondément et à jamais ancré dans la mémoire et dans l'imaginaire des Américains. Here's the story of Boston's famous party. You have read it in your history. We're gonna give you the latest lowdown about a score of fellas who went out on the street. There were 20 men, hardy-looking Yankees, dressed in feathers the Indian way. They were out to show coming generations how they throw a party up in Boston, Maine. Come on, that road. La chanson Boston Tea Party, interprétée par le Mall Allett Orchestra, un big band du Massachusetts, dans un enregistrement qui date, tenez-vous bien, de 1936. Pour nous raconter l'histoire derrière ce fameux, ce célèbre Boston Tea Party, je reçois Jean-Pierre Le Glonec, habitué de l'émission, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Le Glonec, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça occupe une importance énorme dans l'histoire, mais dans l'imaginaire collectif américain aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, ce fameux Boston Tea Party, dans l'histoire des États-Unis? C'est un moment fondateur de la période révolutionnaire, les années 1760-1770. C'est un moment fondateur aussi du nationalisme américain. Construire une nation suppose d'appuyer la nation sur un certain nombre de mythes. Et la fête du thé, je vais l'appeler comme ça, est un des mythes qui mène à la création des États-Unis le 4 juillet 1776. Généralement, on se souvient du 4 juillet, déclaration d'indépendance, on se souvient de la mort de Washington le 14 décembre 1799, on se souvient du traité de Paris en 1783 qui met un terme à la guerre entre les 13 colonies et la Grande-Bretagne, mais on oublie assez souvent l'importance cruciale finalement du geste scandaleux, du geste révolutionnaire qui le 16 décembre 1773 consiste à renverser dans le port de Boston des caisses de thé. Comment on en arrive à ce fameux geste de défiance du 16 décembre 1773? Les 13 colonies entrent dans un processus de résistance à la couronne britannique dès finalement la signature du traité de Paris en 1763 qui met un terme à la guerre de 7 ans. 1763, on pourrait imaginer qu'enfin les problèmes des 13 colonies disparaissent. L'ennemi français disparaît à tout jamais d'Amérique du Nord et enfin d'immenses territoires s'ouvrent à l'ouest des Appalaches, en particulier dans la vallée de l'Ohio qui est très prisée des colons qui sont finalement enserrés, enfermés entre d'un côté le littoral atlantique et les Appalaches. Alors, les colons américains se disent « Enfin, on va pouvoir traverser les Appalaches et coloniser de nouvelles terres ». Or, il s'avère que la couronne britannique entend bien contrôler ce nouveau territoire qu'elle a chèrement acquis après sept années de guerre particulièrement coûteuses. La couronne britannique entend également mieux contrôler ce territoire, mieux contrôler le commerce, lutter contre la contrebande. Et puis, la guerre est extrêmement coûteuse. Ouais. Il faut renflouer les coffres de la couronne britannique. Alors, les autorités de Londres décident d'adopter un certain nombre de mesures fiscales et douanières afin de faire payer les colons des 13 colonies qui sont très opulents. En Angleterre, on se demande comment, en si peu de temps, des habitants éloignés ont réussi à faire une telle fortune. Alors, il faut faire payer les colons des 13 colonies. C'est un peu l'élément déclencheur. Alors, on ne reviendra pas ici sur l'histoire de tout ce qui se passe entre 1763 et 1773, mais parmi les grandes mesures fiscales et douanières, il y a en 1765 l'adoption d'une loi qu'on appelle la loi sur le timbre. Les habitants des 13 colonies ont l'obligation d'apposer un timbre fiscal sur tous les papiers qu'ils utilisent. Contrats notariés, cartes de jeu, journaux. Alors, imaginez le symbole. Jusqu'en 1763, au fond, la Grande-Bretagne est un pays relativement lointain. Il y a vraiment une distance, il y a un océan atlantique qui sépare les 13 colonies de Londres. Désormais, à travers ce timbre fiscal, c'est l'impérialisme britannique qui est rappelé quotidiennement aux habitants des 13 colonies. Donc, il y a une question symbolique. Plus que le timbre, le prix du timbre, c'est ce que ça représente, au oui, fond. Oui, bien une sûr. Une espèce d'intrusion. En fait, ce qui se passe après la guerre de 7 ans, enfin, du moins les mesures douanières et fiscales adoptées à Londres, rappellent aux habitants des 13 colonies qu'ils sont différents. Tout au long du XVIIIe siècle, on assiste à un processus de différenciation progressif qui fait qu'en 1763, finalement, les habitants des 13 colonies sont britanniques, absolument, sont les sujets de la Grande-Bretagne, mais ils ne sont plus déjà tout à fait, enfin, ils ne sont plus seulement des sujets de la Grande-Bretagne. Ouais. Ce sont aussi des habitants d'Amérique et ils pensent comme des Américains. Et donc, ces taxes, la première, ce sera celle sur... Il y en aura une, en fait, sur le sucre en 1764, la taxe sur les timbres en 1765. C'est ça qui met le feu aux poudres. Et ça va se concrétiser par l'organisation de l'insatisfaction avant de passer au geste de défiance en décembre 1773. Il y a une montée quand même. On s'organise. Les organisations, les Fils de la Liberté, vont naître, par oui, exemple. Tout à fait. Les leaders coloniaux s'organisent. On adopte... Alors, on n'est pas contre le principe de l'impôt. On estime que l'impôt est juste, mais que l'impôt doit être décidé localement par les assemblées législatives de chacune des colonies et non pas à Londres par un parlement au sein duquel les 13 colonies ne sont pas représentées. Le fameux slogan « No taxation without representation ». Donc, on s'organise, on écrit des pamphlets, ces pamphlets circulent d'une colonie à l'autre, on organise même un congrès du timbre en 1765 qui fédère les 13 colonies. On organise des politiques de non-importation et de non-consommation des produits britanniques. On boycotte le thé, par exemple. On boycotte d'autres produits, des textiles notamment, d'origine britannique. Et puis, des associations prennent forme. Associations qui prennent le nom de Fils de la Liberté, comme vous le dites. Et puis, à Boston, Samuel Adams propose de mettre en place ce qu'on appelle des comités de correspondance. Des comités d'hommes qui vont observer sur le terrain l'impérialisme en train de se déployer. Et puis, ces hommes vont correspondre avec d'autres leaders, d'autres radicaux, d'autres militants, d'autres colonies, eh bien, afin de faire circuler l'information. Alors, la résistance s'organise progressivement, boycott commercial, association politique, comité de correspondance, association, comme on vient de le dire, création d'associations de Fils de la Liberté. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde ça avec le recul, c'est que ça va marcher. C'est-à-dire que Londres va être sensible à ce mouvement d'opposition qui s'organise dans les 13 colonies de la côte Est. Et on va décider, parce qu'à un moment donné, il y aura pas mal de taxes qui seront prélevées à droite, à gauche. Et là, on va décider de reculer, finalement, de dire, très bien, on retire ces taxes, on va en maintenir une. Mm-hmm. On vient à ce Boston Tea Party, on va maintenir la taxe sur le thé. Mais en fait, et ça va provoquer l'assaut de décembre 1773. Mais au fond, c'est la dernière taxe, c'est un compromis de Londres qui va quand même provoquer le Boston Tea Party. Oui, c'est vrai. Mais alors, tout un ensemble de taxes, en effet, sont imposées en 1767 sur toutes sortes de produits, le plomb, la vitre, enfin bon, etc., le thé. Toutes ces taxes sont en effet retirées. La couronne britannique décide de ne pas souffler sur les braises, mais on garde le thé. Ouais. Le thé fait valeur de symbole. Mais finalement, l'élément déclencheur du Boston Tea Party, ce n'est pas cette taxe-là, c'est plutôt une décision de Londres au printemps 1773 qui vise à donner à la Compagnie des Indes orientales le monopole du commerce du thé en Amérique du Nord. Alors, en 1773, la Compagnie des Indes orientales est quasiment sur le point de faire faillite et donc la couronne britannique décide de lui venir en aide en lui donnant le monopole du commerce du thé en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. C'est l'élément déclencheur, en fait, du Boston Tea Party. Parce qu'au fond, les habitants des 13 colonies, alors à Boston, à New York, à Charleston, mais surtout à Philadelphie, préfèrent faire affaire avec les marchands hollandais. Ouais. Alors, le commerce de contrebande est si répandu qu'il n'est presque plus de la contrebande, finalement, jusqu'en 1773. Et vous voyez, c'est ça qui met le feu aux poudres, c'est que, tout à coup, la couronne britannique vient s'immiscer dans des affaires américaines. D'autant qu'on était dans une logique de boycott. On, pour faire pression contre Londres, on boycottait tout ce qui était britannique. Absolument. On ne peut plus boycotter le thé britannique. Absolument. Et là, le monopole du thé fait en sorte que le thé ne peut être vendu que par des consignataires qui ont été désignés par la couronne britannique. Alors, c'est tout le système commercial, finalement, des grands ports de Philadelphie, New York, Charleston et Boston, qui est remise en cause. Les petites habitudes, les façons de faire, les façons de s'enrichir aussi, un peu illégales, bien sûr, même complètement illégales, mais qui ont été tolérées depuis la fin du XVIIe siècle. Ouais. Et ça se traduit, cet affrontement entre Londres et les colonies de la côte Est, par certains affrontements réels sur le terrain, à une date importante, pour montrer que la tension monte et que cette tension mène à des affrontements directs. Le 5 mars 1770, on va assister, il y aura 5 morts à Boston, on va assister à ce qu'on a appelé le massacre sanglant. Pourquoi, dans quel contexte survient ce massacre et qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Jean-Pierre Lenglenec? Oui, les tensions ne cessent d'augmenter, de 1763 à 1773, et au cœur de cette escalade des tensions se trouve la ville de Boston, qui est une ville symbole. C'est la ville symbole par excellence des 13 colonies créées au tout début du XVIIe siècle. On en a déjà parlé dans cette émission. Boston, c'est une petite ville, 16 000 habitants. En 1768, on trouve à Boston près de 4 000 soldats. Donc il y a un soldat britannique pour 4 habitants. Ouais. Alors imaginez la tension. C'est la première fois qu'autant de soldats sont présents sur un territoire américain. Les soldats sont partout, dans les échoppes, dans les rues, le soir après le couvre-feu, ils patrouillent la ville, la tension est à son comble, des tensions qui n'ont pas véritablement de valeur politique, mais des tensions quotidiennes. Ouais. Et en mars 1770, les tensions se transforment en échauffourée violente et l'armée britannique tire sur des manifestants et le massacre de Boston donne naissance au premier martyr de la Révolution américaine. 5 hommes en effet, dont alors un homme qui s'appelle Crispus Attucks, qui est d'origine africaine et d'origine autochtone. Il est l'incarnation du métissage américain. Ouais. Les leaders de ce mouvement d'opposition, comment les définir? Est-ce qu'il y a un portrait robot? Qui sont-ils? Ben, je dirais que, oui, les leaders à Boston, d'abord, le leader par excellence, c'est Sam Adams, mm-hmm. le cousin du futur deuxième président des États-Unis, John Adams. Sam Adams est un homme qui n'a jamais fait fortune dans le commerce, mais par contre qui est un excellent polémiste, un orateur hors pair, un organisateur, un déplaceur de foule. Alors Sam Adams, c'est le héros par excellence. On trouve également à Boston John Hancock, futur signataire de la Déclaration d'indépendance. John Adams, deuxième président des États-Unis, premier vice-président. Et puis une foule d'artisans, de marchands, de journaliers, d'hommes finalement économiquement assez peu puissants, mais à la conscience politique très développée. Ouais. Alors je vais vous en citer 3 qui sont très importants. George Robert Twelve Hughes, un cordonnier. Thomas Chase, un franc-maçon. Nathaniel Barber. Ouais. Alors tout ce beau monde va se tenir, les coudes bien serrés, et arrive cette fameuse date du 16 décembre 1773, le fameux Boston Tea Party. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Jean-Pierre Lenglenec? Eh bien, le 16 décembre 1773, la population de Boston se rassemble sur le port afin d'assister au débarquement, ou du moins afin d'assister à la destruction des 340 caisses de thé qui se trouvent sur 3 navires arrivés dans les semaines précédentes, 3 navires chargés de thé de Chine, et les manifestants de Boston, les leaders de Boston refusent que ce thé soit déchargé. Ouais. Hein, ils estiment que ce thé incarne la tyrannie britannique. Le 16 décembre 1773, il faut faire vite, car le gouverneur Thomas Hutchinson a prévenu que le thé serait débarqué de force, s'il le faut, le 17 décembre. Donc le 16 décembre au soir, un grand rassemblement a lieu au centre de Boston. Plus de 3000 personnes assistent au dit rassemblement et suite à l'échec, finalement, des propositions de conciliation qui sont proposées par Sam Adams, eh bien, des Fils de la Liberté, environ une centaine, convergent vers les 3 navires dont je viens de parler, ouais. le Eleanor, le Beaver et le Dartmouth, Ils montent à l'intérieur de ces navires, ils se divisent en trois équipes et ils commencent le processus de destruction de ces 340 caisses de thé. Alors imaginez la scène. Imaginez la scène, on a une centaine de personnes déguisées en Mohawk qui crient et qui jouent aux Indiens sur trois navires dans le port de Boston. Environ 2 à 3 000 personnes qui sont sur les quais de Griffin et qui regardent la scène en silence. Il fait très froid ce soir-là. C'est humide. Il y a très peu de lumière. La lune donne très très peu de lumière. Et on est à marée basse. Alors, les caisses, le thé qui est détruit est jeté dans le port de Boston. Les révolutionnaires, appelons-les comme ça si vous voulez, font du thé pour les poissons. Le thé s'accumule, la marée est si basse que les feuilles de thé s'accumulent dans le port de Boston. Les Américains, enfin les habitants de Boston, s'amusent en fait. S'amusent à parodier le rite ancestral du thé ce soir-là. Et en fait, c'est pas prémédité ce truc-là. Alors, c'est pas prémédité. Disons que l'événement est organisé. L'événement est organisé, mais dans le secret. Le 16 décembre 1773, on ne sait pas vraiment qui se trouve sur les trois navires en question. Les 100 et quelques fils de la liberté qui ont accepté de monter sur les navires et de détruire le thé, et seulement le thé, car il n'est surtout pas question de s'attaquer au principe de propriété, ont juré le secret. Donc on ne sait pas qui sont les leaders, on ne sait pas qui forme le gros des troupes. Et une fois d'ailleurs que l'événement est terminé, ça prend environ 3 heures pour décharger plus de 40 tonnes de thé, c'est pas rien. Eh bien, la plupart des militants qui se trouvaient sur les navires quittent la ville de Boston afin de ne pas être ennuyés par les autorités. Ouais. Comment va réagir Londres à ce geste de défiance aux événements du Boston Tea Party? Pour en avoir déjà une petite idée, on écoute une scène de la télésérie produite par History Channel en 2015, Sons of Liberty. On y entend le personnage du solliciteur général de la couronne britannique à Londres, Alexander Wedderburn, se scandaliser, vous allez voir, de la destruction de marchandises royales dans le port de Boston. This is yet another incident in a long line of treasonable acts committed by a childish and insubordinate colony. Nous voici devant un autre incident d'une longue série d'actes de trahison commis par une colonie puérile et insubordonnée. 90 000 shillings de marchandises royales ont été déversés dans le port. Et pendant qu'ils commettaient ces actes odieux de terrorisme, leur gouverneur ne faisait rien. Ce sont des voyous et des hors-la-loi, les fils de la tyrannie. Ils devraient être battus jusqu'à la soumission. They should be beaten into submission. Donc, comment va réagir concrètement, au-delà de ce qu'on vient d'entendre, qui est évidemment une scène de télésérie, mais quelle sera la réaction de Londres, Jean-Pierre Ledlamec? La réaction est très, très violente. La réaction est très violente car, je le rappelle, l'événement est très violent, symboliquement, dans son aspect carnavalesque. Car le 16 décembre 1773, autour des trois navires, Dartmouth, Beaver, Eleanor, au fond, c'est tout l'ordre britannique qui est renversé. Oui. En jetant des feuilles de thé dans le port de Boston, les habitants de Boston, les leaders coloniaux, refusent l'ordre qui a prévalu jusqu'alors, c'est-à-dire la mère patrie en haut et les 13 colonies en dessous. Hein, tout est renversé. Oui. Le renversement est radical et le renversement annonce un renversement beaucoup plus radical que Locke a déjà prévu à la fin du XVIIe siècle. Locke, dans ses traités sur le gouvernement, avait écrit qu'il était possible de se débarrasser d'un gouvernement si ce gouvernement devenait tyrannique. Ouais. C'était la seule et unique raison qui permettait de se débarrasser d'un gouvernement. Et bien là, finalement, jeter environ l'équivalent d'un million de caisses de thé, un million de dollars actuels de caisses de thé, ou renverser un gouvernement, pour la couronne britannique, c'est presque la même chose. Il y a très très peu de distance entre l'acte du renversement métaphorique et l'acte du renversement politique à venir. Alors, donc la riposte sera sévère. La riposte est très sévère. Le port de Boston est fermé. Alors, c'est comme fermer finalement le poumon ou le cœur de l'Amérique qui pompe à travers les 13 colonies depuis le début du XVIIe siècle. Mais surtout, Londres suspend le gouvernement du Massachusetts. Ça, c'est la pire des mesures qu'il fallait prendre parce qu'au fond, les gouvernements locaux dans les 13 colonies symbolisent justement ce qui distinguait les 13 colonies de la Grande-Bretagne. Ouais. Alors là, c'est s'attaquer au mythe fondateur par excellence des 13 colonies britanniques. Troisième chose, Londres demande aux habitants de Boston de rembourser les caisses de thé qui ont été détruites. Alors, ces trois mesures qui sont adoptées à Londres mettent le feu aux poudres encore plus et ont pour effet, non pas d'atténuer les tensions, mais de consolider ce processus révolutionnaire qui vient d'être mis en branle. Boston, la cause de Boston, c'est la cause des 13 colonies, ouais, le 17 décembre 1773. L'expression, Jean-Pierre Leglenec, l'expression « Boston Tea Party », ça, c'est plus tard qu'on commencera à utiliser cette expression. Quand est-ce que ça arrive? Pourquoi? Oui, alors sur le moment, en fait, dans les 13 colonies, hein, on est bien conscient de la radicalité du geste, mais on ne pense pas que nécessairement le 16 décembre 1773 va rentrer dans l'histoire et un jour être abordé à l'émission « Aujourd'hui, l'histoire ». Il n'est pas du tout question de ça. Il est question, on voit bien que c'est radical, mais c'est beaucoup plus tard, dans les années 1820 à 1830, quand les principaux, quand les acteurs de l'événement meurent les uns après les autres, hein, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de ce qui s'est passé à Boston et que la fête du thé devient un élément clé du nationalisme américain, comme la mort de Washington par exemple, ou la signature de la déclaration d'indépendance. Ouais. Boston, if anyone knows how to throw a tea party, it is you. Boston, si quelqu'un sait comment faire un Tea Party, c'est bien toi. Nous allons devenir un pays où, au lieu de laisser les gens décider combien d'argent le gouvernement possède, c'est maintenant au gouvernement de décider combien d'argent les gens peuvent avoir. C'est un recul. Il est temps de renverser la situation. Il est temps de leur rappeler que le gouvernement devrait travailler pour nous. C'est pourquoi, chaque jour, de plus en plus de patriotes sont prêts à ramener notre pays dans le droit chemin et à faire bouger les choses, comme ça s'est passé en 1773 avec ceux qui ont décidé de se lever et de parler. Parce que nous voyons ce qui se pointe à l'horizon et nous voyons ce qui est en jeu. We see what is at stake here. La politicienne américaine de droite Sarah Palin, qui appartient à l'intérieur du Parti républicain, à ce mouvement qui va naître autour de 2008, qui se revendique, qui s'appelle le Tea Party, qui se revendique de ces événements de 1773. Jean-Pierre Leglenec, dans les faits, quel lien peut-on vraiment faire entre ce mouvement politique récent et le Boston Tea Party? En fait, il n'y a pas vraiment de lien entre ce qui se passe en 1773 et puis le discours de Sarah Palin ou le mouvement Tea Party qui émerge autour de l'élection de Barack Obama. L'élection de Barack Obama étant censée représenter pour l'électorat de la droite extrême, de la droite dure ou de l'extrême droite aux États-Unis, je ne sais pas comment l'appeler, une forme de retour à la tyrannie. Ouais. Et ce qui incarnerait la tyrannie pour le mouvement Tea Party, ce serait l'impôt. Ouais. Alors là, il y a un lien à faire avec ce qu'on a dit au début de l'émission, mais surtout ce qui incarnerait la tyrannie avec l'ère Obama, c'est la réforme de l'assurance santé et la possibilité pour chaque Américain d'avoir accès à une assurance santé peut-être publique. Trop intrusif. Alors, un État trop intrusif. Mais en soi, il n'y a vraiment pas de lien du tout à ouais. faire avec ce qui se passe en 1773. Mais je rappellerai quand même que ce n'est pas la première fois que l'on utilise le Tea Party pour avancer des arguments politiques. En 1973, 200e anniversaire du Boston Tea Party, eh bien là, on célèbre le 200e anniversaire de l'événement en proposant de jeter à l'eau des effigies de Nixon dont on demande la démission. Et on jette à l'eau à Boston, non pas du thé, mais des barils de pétrole, car c'est le début de la crise pétrolière. Mmh. Alors vous voyez, donc le Tea Party fait partie de l'imaginaire politique américain. Bien sûr, on revient toujours aux mêmes éléments essentiels, la liberté, la tyrannie, les impôts, ouais. l'autodétermination, le droit du peuple à décider pour lui-même. On a entendu Sarah Palin. Mais au fond, il n'y a pas... ce qui compte ici, c'est que le Tea Party incarne l'Amérique et que l'Amérique, c'est le Tea Party. Jean-Pierre Leglenec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.